Claudius Popelin, soir d'été. Je la suivais, frôlant du pied sa robe blanche, qui traînait en longs plis sur les herbes du pré, et livrait le secret des lignes de sa hanche aux regards alanguis de Vesper empourpré. Elle allait, et sa main qui sortait de sa manche, toute mignonne et douce, oiseau d'ivoire ambré, d'un geste de statue, élevait une branche qu'elle avait arrachée aux touffes du fourré. La belle indifférente, elle marchait sereine, et ne se doutait pas que la rive était pleine d'effluves, embrasée par les folles amours. Car j'ai bien entendu, moi, sous les feuilles jaunes, soupirer le dieu Pan et chuchoter les faunes. Mais il n'y pense plus, et j'en rêve toujours.